1. Le soir, j'aime bien regarder un film à la télé ou sur mon ordinateur. Et après, je lis un peu sur ma tablette. Je sens que je suis fatigué et depuis quelque temps, j'ai du mal à m'endormir. 2. Après ma journée de travail, j'ai souvent mal à l'épaule et au poignet. C'est gênant parce que j'ai besoin de mon ordinateur tous les jours pour travailler. 3. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et j'utilise très souvent mon téléphone. Après un certain temps, j'ai mal aux mains et au cou. C'est désagréable. 4. Je suis connectée du matin au soir et je commence à avoir des problèmes. J'ai mal aux yeux depuis longtemps, mais là, je commence aussi à avoir mal à la tête. C'est trop !